là-bas tes ennuis, dirigé guide de chaque pas, c'est ça, la vie et la nuit, tu craques, hey, c'est le paradis pour que revive en sensation les. Si tu préfères le vent, qui ou les nuits de folie. Il est 15h01, Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans et bien sûr en streaming sur radio-arc-en-ciel.com pour nous suivre sur les réseaux internet. N'hésitez pas de venir le jeudi après-midi nous rejoindre dans l'émission et je pense que le soleil arrive, ça remet un petit peu de baume au cœur et moi ça me donne franchement envie de me mettre en maillot de bain, bah ouais directement, pourquoi pas, et puis et bah d'aller me bronzer sur la plage et puis de chanter et de danser. Bip, bip. Avec les bronzés, bien évidemment, 15h05, on va changer de destination et je vais faire plaisir à Sylvie B qui nous avait envoyé, enfin qui m'a envoyé tout à l'heure un petit message. Et oui, Sylvie, c'est toi, comme tu me le demandais, qui a eu la pochette. C'est vrai que bon, ça se lance l'émission, donc il n'y a pas trop de gens qui sont encore à la sélection, mais ça va se faire petit à petit, vous inquiétez pas. Alors là, je pense qu'on va aller faire un petit tour du côté de l'Afrique et du Zouk. On va rester toujours dans les rythmes

place et ça me dit comment on y. Je suis placé, ça me dit comment on y. Comme je suis placé, ça me dit comment on y. Comme je suis placé, ça me dit comment on y. 5h, c'est lundi, il est pour nous un travail. Ou pas plus élevé ou amouré, on nous fait mal à l'idée. Paraît-il le matinal, un bon week-end qui est infernal, si on dit est fondamental. Marie-Chantal, en cas senti vous tout uni, et moi-même en tout uni, car est ça qu'a transporté moi, en manière transportant pour moi. Et elle compte y m'aller vivre. Attends, celle laissée aller. Continuez. Chérie, tu me donnes ta passion. Et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment. Je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie. Il y a le sexe aussi. Vas-y, tranquille. De faire la planche. Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Vas-y, Francky. Monsieur Francky, Francky, Francky, le fruit de la passion, bien sûr, sur 96.2 Radio Arc-en-Ciel, Didier & Co. Vous êtes donc sur la bonne fréquence si vous m'entendez. On vient donc d'écouter un petit peu un zouk, un petit peu de Maldon, un petit peu le fruit de la passion. Et le titre de tous les records de vente en France est le cauchemar de certaines radios de l'époque qui le trouvaient un petit peu trop osé. Francky, c'est l'art du double sens. Francky, c'est bien des choses. D'ailleurs, Francky, on l'a connu ici, mais c'était pas tout à fait le même Francky qui était là. Mais voilà, on était toujours au fruit de la passion avec là. Et là, on va passer du côté du sirop. Voilà, on va passer du côté du sirop, dit dans le côté un petit peu des îles, le sirop. We'll be right back. diva, une des reines du zouk, a su faire savoir qu'avec le Zero, on n'attrape pas que des mouches, on peut faire aussi d'excellents duos avec par exemple Monsieur Philippe Laville. Laville, donc à l'origine de ce titre à 100% créole. Eh ben, on est parti, donc, et pour un coup de foudre, pour la mélodie, et qui a fait, ben, un des slows les plus incontournables des années 80. Philippe et Jocelyne. Philippe Laville, Jocelyne Berroir. Bien sûr, Monsieur Philippe Laville, allons-y. Chantons collé serré. Il est 15h30, nous sommes à la moitié de Didier & Co. Il nous reste encore une heure et demie ensemble. Rendez-vous compte, une heure et demie à écouter de la bonne musique avec Didier, votre animateur du jeudi après-midi, entre 14 et 17 heures sur Arc-en-Ciel 96.2 ou sur radio-arc-en-ciel.com. Et là, on va continuer avec un morceau qui, tout début, il a fait un flop, hein, un titre qui a eu deux vies en fait. Il est sorti dans l'ombre en 1998 et il est devenu un raz-de-marée en 2004, relançant la mode du zouk love moderne avec Monsieur Sly, avec un morceau de Sly. Passion comme une feuille au moindre frisson quand tu es là près de moi. L'amour est un poison que je consomme avec des raisons rien que pour toi, que pour toi. Comme une hirondelle en pleine tempête, tu es le soleil qui sèche mes ailes. Je te veux toi. Spécial musical et on va y rester, mais je vais quand même vous emmener avec moi en voyage au niveau de la racine africaine du côté de la Côte d'Ivoire, et après je sais qu'on partira du côté haïtien aussi, mais là pour l'instant donc direction la Côte d'Ivoire. C'est l'histoire d'un vrai chanteur qui s'appelle Al Salfo, qui a été gentiment quitté par sa copine quand il était en galère, le pauvre garçon. Et cette demoiselle, elle a tenté de le récupérer une fois devenu star. Donc avec ce titre Premier Gaou, qui veut dire le naïf, mais du moment qu'il y avait de l'argent, il ne l'a pas été longtemps. On va changer d'atmosphère, on va même changer directement de pays, voire de continent. On va aller du côté d'Haïti, on va quitter donc la Côte d'Ivoire, l'Afrique, pour aller du côté haïtien. On va écouter le roi du coupé-cloué qui rend ici hommage à la femme, appelée là-bas le poteau de fer de la famille. C'est le son authentique des Antilles, brut et chaleureux. les gens. Pour la ronde nous bagaille. Nous qui j'aime garçon, appelle pas bon. Direct la Cali, couche la Cali. La peuple est une série de bagailles. Le vigné a fait comme tu passes dans tes bidons. Oh, bon, oh, le bon femme paraît qui passe devant chez toi. Je dis que vous mangez. C'est le projet. Parce que ça, c'est pour une femme. Ah, c'est pas grave. Et mon cher méchant. Oui, oh, méchant, je fous méchant. On va arriver. Je toujours dit où toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est pas menti. Parce que femme pas jamais mes garçons. Ou facile ou un garçon faut être dans votre automobile pour être une femme. Mais femme pas besoin qui est ping piqué pour être un garçon. Ah oui, ça, c'est écrit. Oui. Ça fait monsieur. Ouais, moi-même, ouais, là. Moi-même, ouais, là, pour péter son son, là. Nous sommes tontons, cadets-nous. J'ai une femme d'avis, les mamans, dit, ouais, mais moi. Faut que ça souffle, se cracher dans. Oui. Alors, monsieur, ma banne, nous conseille. J'aime bien ma jambe, non pas, j'en vais, c'est pas l'habitude. Parce que nous battons des vies, pas l'habitude, maintenant, ouais, non. Pour qu'un jour, par exemple. J'ai des corps qui vont battre. Mais à chaque fois que je suis allé dans la tout pour ma blanche, je me mets dans ma bralie. Pour la blanche, pour ma vie, d'habitude là-dedans. Mais des vins, vous, je suis malade. Je ne vais pas faire ni avant, ni bac. Maladie à vie, pour mon blanche, je vais. Pour la blanche, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Bah, je vais te dire, c'est lui qui a privé quand même. C'est lui qui n'est pas privé. C'est lui qui a privé. Oh! On a traversé, cabrasé, l'albatoc, non, bat-coc, l'aime tout ça. Sous est coq, calié, bon gagné, l'aime tout ça, sous est coq. Gégé, goûté, gégé, titène, hein, c'est pas grave, grave ça, sous est ça. Comment gégé, green bat, gégé, green chaussette. Mais moi-même, j'ai dit pour j'y n'a homme gagné. Parce qu'on s'est plastique, grillé, et puis ni, dix, avec ça, ma poulet quand même. Quoi, nous entendons ton pour la Maoussa d'évolution. Elle a fait un petit peu, bagage ça. Vous connaissez Maoussa d'évolution, elle a fait un petit bagage ça. Mais mon Dieu, bon, je ne sais pas d'où vient. Je suis toujours capable de couler avec nous. Et puis, je voulais, Et puis, vas-y, c'est pratique avant théorie. Et puis, oh, vas-y, on va l'essayer. Oh, oh. L'entrée sec, il sortit mouillé. Et puis là, on te voit pas, c'est pas grave, on va te suer, c'est pas bon. Ah, mais pourtant, les sons bagaillons, c'est tec, tec, tec, tec. Et puis voici, nous tombons les. Voici, on te secoue, tu vas y mettre la guerre. Voici, tu es des poids, tu es sous caméra, tu es au chalet, nous-mêmes. Nous avons tout gardé nos pieds très. Tifo Kao. Gardez nos pieds. On même qui l'a gardé maintenant. Des fois nous montons la couille à mille moyens. Pour qui venez-vous? Voilà, un petit 7 minutes et quelques du côté d'Haïti, mais je viens de regarder et de contrôler mon compteur, je vois qu'il nous reste encore un petit peu de kérosène, malgré son augmentation ces derniers jours, il me reste donc un petit peu de kérosène, donc le temps de vérifier le long courrier qui aujourd'hui est resté sur le tarmac à Arc-en-Ciel, voilà, bah, de temps en temps, il faut regarder un petit peu, il faut faire la vérification de tous les réacteurs, ça, voir si ça se passe bien. Alors aujourd'hui, on a fait une petite escale donc très courte sur le tarmac pour écouter un petit peu de musique et voyager à travers le monde, à travers les années 80. Donc là, on était du côté d'Haïti et je pense qu'on va aller se diriger du côté de la Guadeloupe. Écoutez, Tania, qui en fait une voix d'or guadeloupéenne, c'est la chaleur, c'est l'énergie pure, c'est un titre qui a imposé une touche de modernité, de soul dans le paysage zouk des années 80, direction la Guadeloupe. Chef le pou yo souse West Indies, West Indies, West Indies. Mwen zanti anti lote vani, mwen save se ou ki ka fini tutu. West Indies, yeah. Ou man poko je touve, mwen pa kwen ke sa existe tutu. West Indies, yeah. Côté assis la tête pour moi ça peut aller West Indies West Indies West Indies yeah. Ah dans pays comme ça c'est là tout seul moi t'ai peut rencontrer West Indies West Indies West Indies moi senti anti l'autre vani moi savais c'est au qui ca fini tout tout West Indies, yeah. Ou man poko je touve, mwen pa kwe ke sa existe, doutou. West Indies, yeah. Mwen doutou telman douce apre l'amou, ke mwen pa kapab te fer di ma, baby. Faire la paix mais de tout encore plus douce après l'amour car moi pas capable de faire la paix baby mais de tout encore plus douce après l'amour car moi pas capable de faire la paix encore baby. Assis la tête pour moi ça peut aller West Indies, West Indies, West Indies, yeah. Ah, dans un pays comme ça c'est là tout seul moi te fais rencontrer West Indies, West Indies, West Indies, yeah. C'est moi senti un pilote de famille moi ça veut dire monte, monte, monte. West Indies, West Indies, West Indies, yeah. Oh, tu penses qu'à vanter, les yeux cachés, je plais pour nous soucer. West Indies, West Indies, E mwen sa fi an ti lo te fani Mwen sa ven se ou ki ka fini toutou Si tout si fou mwen poko je tou fe Mwen pa kwe ke sa eksiste toutou Mwen se te diya nous arrivons au fond de votre pochette surprise, mais vous inquiétez pas, il nous reste encore quelques, allez, 2-3 pépites sucrées. C'est toujours Didier & Co, Arc-en-Ciel 96.2, Orléans. Et je pense qu'il est impossible de faire une émission Zouk Afro sans eux. C'est le groupe qui a exporté la joie de vivre antillaise partout sur la planète. On met les masques, je ne dirais pas abat les masques, non, non, on met les masques et on oublie tout. C'est le pari fou d'un Colombien qui a repris un monument de Jacques Brel. Il l'a fait en version salsa. Et comme résultat, c'est une version solaire qui a redonné une seconde vie à ce classique mondial. Et c'est chanté par Yuri Buenaventura. Thank you.

qui était un Gabonais. Alors, vous voyez, on est parti de la Guadeloupe, on est passé à Haïti, Côte d'Ivoire, et là, on reprend le jet hein, pour retraverser un petit peu l'Atlantique et se retrouver du côté donc du Gabon, en dessous de Pointe-Noire, par là, côté Afrique. Et on termine donc en beauté avec le regretté Olivier Ngoma, qui a conquis le cœur des Antillais. Tout simplement avec un titre qui s'intitule Adia. C'est le mélange parfait entre la mélancolie africaine et la cadence du zouk. Voilà. Eh bien, avant de passer sur la dernière pochette surprise, il est 16h13, Arc-en-Ciel 96.2, c'est Didier & Co. Eh bien, j'en veux. Voilà, et ben c'est comme ça que ça se passe. Et ben on va vous la remettre bien pour la peine. Chérie, nous sommes amoureux

c'est pas trop dur à retenir ça. Hein. Allez, on y va. Je vous She says goodbye and I say no. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. I'm crazy loving you. Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. I'm so. Eh bien, on va aller dans l'énergie synthé pop et fun avec des sons synthétiques très marqués et des refrains que tout le monde connaît. On monte d'un cran, j'espère que vous avez révisé vos classiques parce que là, je pense que ça va chanter un petit peu fort. À vous les micros. On décolle en douceur, attaché à la ceinture. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Boy.

16h59, on va rebasculer sur RDP avant de laisser la place dans une heure à Chantal avec le groove tropical. Là. Voilà, merci de votre écoute. Bien content d'avoir fait cette première émission spéciale musique. À très bientôt sur la fréquence arc-en-ciel 96.2 avec Didier & Co. tous les jeudis, et jeudi prochain, ça sera le dernier triptyque avec, je l'espère, monsieur Jean Guibray et Mathieu Vitard de Nantes. Voilà, Jean Guibray qui est dans le département 85. On va essayer de faire passer les ondes. Enfin, essayez. On va les faire passer. À très bientôt à vous. Et avec grand plaisir, à jeudi prochain. Bye bye. RDP International, longe da vista, perto do coração. Quatro horas no continente e na Madeira, três nos Açores. Começa agora o programa da tarde de quinta-feira. Nuno Rodrigues, olá. Olá, Karina, viva. A esta hora, no topo da atualidade, o que contas? As tempestades do mês passado levaram cerca de 30% da riqueza regional de Leiria. É desta região do país que continuam a chegar também a maior parte dos pedidos de ajuda, em especial para a reconstrução de casas. Uma troca de elogios na despedida de Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, dão nota.